Deuxième partie, chapitre cinquième de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre cinquième des considérations. Seconde partie de la méditation. Cet exercice de l'imagination doit être suivi de celui de l'entendement, que nous appelons méditation, et qui n'est autre chose que l'application aux considérations capables d'élever notre volonté à Dieu et de nous affectionner aux choses saintes et divines. Et c'est en cela que la méditation est fort différente de l'étude, car la fin de l'étude est la science, mais la fin de la méditation est l'amour de Dieu et la pratique de la vertu. Après donc avoir renfermé, comme je vous l'ai dit, votre esprit dans l'étendue du sujet que vous voulez méditer, appliquez votre entendement aux considérations qui en sont comme la substance et l'exposition. Et si votre esprit trouve assez de goût, de lumière, d'utilité dans une seule de ces considérations, il faut l'y arrêter, imitant les abeilles qui ne quittent point la fleur à laquelle elles se sont attachées, tandis qu'elles y trouvent du miel à recueillir. Mais si votre esprit a de la peine à y entrer et que votre cœur n'y sente pas d'attrait, après avoir un peu de temps essayé votre cœur et votre esprit, passez à une autre considération. Cependant, sans aucune curiosité et sans précipitation. Fin du chapitre cinquième. Deuxième partie.